Bonjour, nous sommes à l'AG du Crédit Mutuel pour interviewer des gens. Bonjour, êtes-vous client ou partenaire ? Je suis cliente dans une association dans laquelle je suis trésorière. Dans quelle commune habitez-vous ? Dompierre-sur-Yon. Qu'attendez-vous d'une banque ? Qu'elle me fasse fructifier mon argent et qu'elle ne m'en prenne pas beaucoup. Pourquoi avez-vous choisi cette banque ? Parce que c'est une banque mutualiste et qui aide beaucoup les associations. Là, c'est dans le cadre justement d'une association. Mais à titre personnel, je ne suis pas dans cette banque, mais je suis dans une autre banque mutualiste. Qu'est-ce que vous appréciez au Crédit Mutuel ? Sa proximité, parce qu'il y en a dans presque toutes les communes et il y en a justement dans notre commune. Voilà. Et ça est le fait que ça soit une banque solidaire, mutualiste. Ça aussi, c'est important pour moi. C'est une valeur que je défends. D'accord, merci. Merci. Au revoir.